On va parler avec notre ami François Paquette. Salut François. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. François, hier, on va commencer avec les séries de basket parce que c'est ça, tu t'intéresses aussi au basket autant que moi. Hier, grosse surprise, hier, les Pelicans qui sont allés battre les Suns à Phoenix, ils ont perdu le service de Devin Booker. Je pense qu'ils vont être capables de passer les Pelicans pareil sans Booker, mais par contre, ça risque de pas être un walk in the park comme on pensait, là. Non, puis moi, j'étais de ceux qui pensaient que l'équipe qui allait gagner le tournoi puis qui allait finir huitième allait simplement à l'abattoir, là, tu sais, en se disant, parce que les Suns, si c'est pas la meilleure équipe de la NBA, c'est dans le top 3. Mais, tu sais, la défaite, c'est telle que telle. Je me dis que les Suns sont capables de gagner sur la route et tout ça. Mais la blessure de Devin Booker, là, ça change complètement le portrait de cette équipe-là. Tu sais, c'est pas une blessure qui a l'air sérieuse, mais c'est une blessure à l'ischio-jambier. Donc, tu sais, ça peut prendre 2, 3 jours. Est-ce qu'ils vont décider de jouer le match numéro 3 en se disant, on le fait pas jouer, puis si on rentre, on va être capable de donner une autre journée de congé? Ça va être intéressant à voir parce que regarde ce que les Mavericks, eux, avaient à vivre sans Luka Doncic. Ils sont à la maison. En gagnant le match numéro 2 par mettant la série 1-1, tu dis, on peut peut-être se permettre de donner une autre journée ou un autre match sans jouer pour pouvoir se remettre. Mais tu sais, des équipes comme ça, quand tu perds ton joueur numéro 1, t'as beau être classé numéro 1, avoir l'avantage du terrain, ça change complètement le portrait Donc, je pense qu'ils vont gagner quand même, mais c'est par la suite des choses. Par la suite des choses, ça risque d'être compliqué en deuxième, troisième round. Booker va revenir, mais est-ce qu'il va être affaibli? C'est une autre affaire. On va le savoir. Mais attends, il t'a parlé du play-in. Je veux faire une parenthèse. Après ça, on va revenir chez les Raptors. C'est-tu beau un peu? C'est-tu fantastique comme. Moi, la Ligue nationale de hockey, là, qui parle. Je voyais Alain Saint-Cartier dire on veut avoir plus d'équipes en série. Non. Fais un play-in comme la Ligue nationale. Comme la NBA. Oui. Vite, hein? Mais peut-être que je le ferais peut-être un petit peu différemment dans le sens où moi je trouve que c'est un peu large d'aller tu sais, jusqu'au numéro 7 jusqu'à 10 parce que souvent la différence de victoire, c'est tu sais, c'est 10, 12, 15 victoires de différence. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Mais pour le spectacle, pour l'amateur de basket, c'est fantastique. Puis je peux comprendre très bien que les joueurs aiment pas ça parce que c'est trop drastique. Mais pour l'amateur, pour la façon dont tu sais, tu t'es présenté, moi, je trouvais ça fantastique. C'était comme un apéritif juste avant que les séries commencent. Donner la chance de voir quelques équipes qu'on n'a pas peut-être la chance de voir régulièrement non plus. Fait que j'ai trouvé le côté spectacle, c'est vraiment bon. Puis je pense que c'est là pour rester dans la Parce série. que, m'a dit une affaire, tu sais, moi, avoir plus d'équipes dans la Ligue nationale de hockey, non, en série, parce que ça donne une valeur incroyable à la saison. Rappelle-toi quand la division Adams, la division Smythe, la division Norris et Patrick, il y avait des équipes qui jouaient même pas pour Saint-Saëns qui étaient en série. Fait que là, tu sais, mais avoir un play-in, par contre, ça, par contre, oui, par exemple. Puis Ouais, puis il y a toujours le nombre d'équipes aussi, Danny, parce que tu sais, moi je trouve que à 16, c'est parfait. Là, tu peux faire une façon comme la NBA fait pour arriver à 16, mais 16, c'est le nombre parfait, c'est 4 rondes, c'est pas compliqué. Je sais pas si tu as vu un peu ce que le baseball veut faire avec bon, il y a deux équipes qui vont des bails en première ronde. Il va y avoir des séries 2-3 pour les autres avec les trois matchs à la maison. J'aime quand même la formule, mais je trouve que ça fait un peu complexe. Il y a des équipes qui n'aiment pas ça avoir des bails. C'est pour ça que moi, je trouve que la LNH, présentement, à 16, c'est parfait. C'est les 8 premières d'Atif, puis après ça, c'est pas compliqué. Il va peut-être falloir réviser certaines formules aussi pour la formule des divisions, parce que ça fait en sorte souvent qu'il y a de très bonnes équipes qui se font éliminer Moi, trop j'en tôt. verrais La façon dont un 8-2-7. Oui, moi aussi. Puis aussi, je sais qu'on dit toujours que c'est une question d'argent, parce que tu sais, ça se peut qu'ils commencent à jouer pas mal plus loin que prévu. Mais à un moment donné, je pense que aussi c'est beau les rivalités, mais je pense que les gens se tannent aussi de voir toujours les mêmes équipes. Puis, tu sais, regarde ce qui va arriver dans la division Atlantique. Et je veux dire, t'aimes pas Floride, Toronto, puis t'as, disons, Boston. Il y en a probablement deux de ces quatre-là qui vont sortir en partant. C'est assez incroyable de penser ça, mais je pense que la formule de 16 équipes, tu peux pas la changer. Tu peux peut-être trouver une façon de faire un petit tournoi pour finaliser les 16 équipes, mais 16, c'est le chiffre parfait pour les séries éliminatoires. Puis ça peut pas être plus long que ça parce que c'est déjà éreintant pour les joueurs de jouer 2 mois de hockey aussi intense. Ah, le gardien, quoi. Bon, on va parler maintenant de ce qui s'est passé. On revient les Raptors. Moi, j'avais dit les Raptors en 7. Sauf que si ce soir ça passe ou ça casse, ça va être très difficile. J'aurais fait aller en chercher une à Philadelphie, là. Mais ça va être très difficile. Est-ce que Scottie Barnes revient? Ça, c'est la question qu'on se pose. J'ai pas rien vu passer là-dessus, mais ça va être difficile, là. Soyons honnêtes, là. Idéalement, il aurait fallu en gagner une à Philadelphie. Ouais, parce que moi, personnellement, je ne croyais pas du tout. J'ai pris les Sixers pour gagner en 5 matchs. Puis, Ouais. je ne sais pas, tu as vu quand Shaquille c'est O'Neal? Shaq ou Charles Barkley Ouais. qui disait les Sixers en 4, puis, Ouais, ça a insulté c'est. bien du monde, mais on peut comprendre quand même. C'est une meilleure équipe. Je pense que les deux ou trois meilleurs joueurs sur le terrain sont du côté des 76ers. Les Raptors, c'est un club qui est très équilibré. Sauf erreur, il y a 5 joueurs qui ont plus que 15 points par match. C'est un club très tannant Il défensivement manque de parlant, banc, par mais exemple. il ressemble. C'est le Oui, banc. mais oui, puis il manque aussi pardonne-moi l'anglicisme, mais le go-to guy. Tu sais, la différence quand Kawhi Leonard a été là, c'est que le gros jeu, le gros lancer, tu savais toujours que c'était lui qui allait le prendre, puis qu'il avait des bonnes chances de l'avoir. Là, oui, c'est Siakam qui est supposé être ton meneur, mais tu sais, je trouve qu'il manque offensivement un gars qui peut vraiment changer la donne dans un match. Moi, je continue de trouver aussi que Pascal Siakam ne passe pas toujours assez le ballon à mon goût. Mais parce que s'ils veulent gagner, il faut qu'ils le fassent en équipe. C'est vraiment pas individuellement. Mais je veux dire, si t'es pas capable d'arrêter Embiid, Harden, toute la Ah, gang, oubliez tu vas leur manquer un ou deux joueurs aux Sixers à pas. cause du vaccin. Mais c'est pas des joueurs d'impact. Donc, évidemment, les Raptors sont obligés de gagner les 2 matchs à la Ouais. maison parce que s'ils en concèdent un seul, c'est pas mal perdu. Je pense que mais la série qu'il faut voir, c'est les Celtics contre les Nets. Oui. Les Nets, c'est pas une vraie équipe de 8e place, là. On a vu qu'il y a une rivalité. C'est Kyrie Irving qui a envoyé promener les fans des Celtics. Fait Oui, que non, les anciens fans. ça va être une belle série. Ça, c'est une belle série également. Oui. François, on va parler maintenant de baseball. Écoute, moi, je veux avoir ton opinion là-dessus. J'ai écouté un podcast avec Mark Griffin et Alain Giraud, puis je suis un petit peu d'accord avec eux autres sur le. Ben, moi, je suis un puriste dans le baseball. Par contre, eux autres disent que là, le temps est venu d'arriver avec la zone des prises électroniques. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, entièrement d'accord, mais moi, ce que je veux te mentionner, c'est que si les gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est qu'il faut mentionner une chose, c'est que probablement qu'ils ne verraient même pas la différence, dans le sens où il va y avoir un officiel derrière le marbre qui, lui, est connecté directement à l'ordinateur ou la personne qui Ouais. s'occupe de l'ordinateur. Là, on lui dit, c'est une balle, c'est une prise, il donne sa décision. Écoute, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, les derniers jours, il y a eu 68 un match des. ouais. Il y a eu un match des Blue Jays là qu'ils ont perdu de façon très serrée. Écoute, il y a eu 4 appels en 8e manche de tir qui étaient même pas proches de la zone des prises. Puis il y a un site internet qui évalue le travail des officiels, puis t'es capable de dire un peu son score, puis ça a été quoi l'impact sur le match. Puis je sais que dans le cas de Marc, c'est exactement ce match-là qui le fait un peu cliquer en disant on est rendu là. Je sais qu'on le prépare. Il y a eu des bons résultats quand même dans le baseball mineur, dans le baseball affilié, quand on l'a essayé. Mais on s'en vient très, très près de là. C'est une question d'année là, avant qu'on Parce implante que ce ce système. qu'on disait, ce qu'on reproche c'est pas la zone des prises comme telle, c'est que l'arbitre change sa zone des prises durant le match. C'est ça que les lanceurs détestent. Mais je pense qu'il y a un autre côté aussi que je vais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même une couple d'arbitres qui sont très incompétents, là, à commencer par Angel Hernandez, que le syndicat protège depuis trop longtemps. Mais il y a de très bons arbitres qui ont des moins bonnes soirées parce qu'aujourd'hui, il y a des gars qui lancent 100, 102 000 à l'heure. Il y a des gars qui lancent des balles tombantes qui tombent d'un pied. C'est dur pour les officiels de toujours être constants quand il y a autant de lancers, autant de lanceurs qui lancent fort, autant de sortes de lancers. Je me dis, c'est normal que tu fasses des erreurs. Fait que je pense que le fait d'amener une zone de prise électronique arrangerait beaucoup de choses. Ça serait évidemment, tu peux pas chialer après l'arbitre, lui il rend la décision que l'ordinateur lui donne, mais tu sais, il y aura peut-être des ajustements à faire parce qu'on disait entre autres dans les mineurs que si un tir touchait le sol, mais arrivait directement dans la zone des prises, ben, l'ordinateur disait c'est une prise, lui il savait pas que la balle avait fait un bond. Ben ça, Fait que c'est des petites choses comme ça c'est là que il l'arbitre va peut changer. falloir qu'on le sait. Ouais, c'est là que l'arbitre peut Oui, changer la décision. exactement. C'est pour ça qu'il va être là, lui, pour rendre la décision pour dire non, non, ça, c'est pas une prise. OK. Dis-moi, on va parler d'Hunter Green. Hunter Green, qui lance Oui. des balles de feu à 100 000 à l'heure. T'es-tu d'accord avec moi que faut qu'il se calme, le gars, ça va sans. Il a déjà eu une opération Tommy John, mais il pourrait en avoir une autre. C'est dur pour le bras lancer à 100 000 à l'heure tout le temps. C'est sûr, sauf que ça reste que c'est sa marque de commerce, puis Hein? Ouais. c'est pour ça Est-ce qu'il y a qu'on un l'a releveur, c'est repêché. mieux comme releveur, tant qu'à ça? Écoute, peut-être dans un certain sens, parce qu'il pourrait être encore plus dominant puis donner son 100% à la manche de travail, mais pour l'avoir vu lancer 2 ou 3 fois, entre autres contre les Dodgers, c'était tellement impressionnant de le voir aller. Parce qu'il y a lui, puis il y a Nick Lodolo, qui est un gaucher, Puis j'en avais parlé un peu dans une de mes chroniques sur le site de TVA Sport, parce que ces deux gars-là, c'est un peu, c'est l'avenir des Reds. Ces deux jeunes lanceurs hyper talentueux, deux gars assez costauds. Mais Green, c'est rare que tu vois un lanceur partant. Écoute, je ne vais pas me tromper, mais l'autre fois, il a battu un record du baseball majeur avec 39 lancés de plus de 100 000 à l'heure dans un match. C'est jamais vu dans l'histoire du baseball. Donc là, tu arrives à un point où tu dis, c'est sûr qu'il y a une question de santé. Mais tu sais, tu regarderas aujourd'hui dans le monde du baseball, puis je trouve qu'il y avait un gars comme Nate Pearson qui était un bel exemple de gars qui, quand il lançait une balle rapide, il fallait toujours qu'il regarde au cadran, tu sais, combien. Là, il a touché 100 000 à l'heure. On dirait que ça l'agaçait. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu te concentres à lancer à ta façon, lancer des prises, puis que ce soit 98 ou 102, ça change pas grand-chose. Mais si Hunter Green ne se blesse pas, il risque d'être dans les prochaines années un des très bons lanceurs dans la Ligue. Ah, c'est clair. Comment t'as trouvé ça avec Clayton Kershaw? Dire une affaire, j'ai parlé avec Marc, j'ai fait une chronique avec Marc la semaine passée, puis après que j'ai raccroché avec Marc, j'ai vu passer quelque chose. Nolan Ryan, qui, en 1974, qui lançait 235 lancés. C'est le baseball. Mais... C'est là qu'on voit que le baseball a changé. Puis tu sais, Nolan Ryan, c'était une force de nature. C'est probablement c'était un cas exceptionnel. Même dans ces années-là, c'était un cas exceptionnel. Là. Mais tu lançais quand? Hein? Oui. 150, on en voyait quand même régulièrement. Ouais. Là, mais plus de 200, là, c'était plus rare. Mais moi, je veux dire honnêtement que j'étais complètement en désaccord avec, avec Dave Roberts. Puis moi, Dave Roberts, c'est un des gérants que je déteste le plus dans le baseball. Je trouve que c'est un gars qui il a l'air à se prendre plus gros que son sport. Puis, tu sais, moi, je pense que dans la situation où est Clayton Kershaw, puis je pense que c'est Jeff Passan d'ESPN qui l'a dit, c'est pas un match en point de couture, il y en a déjà un. C'est un match parfait. Ouais. Il y en a eu, sauf erreur, 23 dans l'histoire du baseball majeur. Puis là, tu te dis, je vais le retirer à 80 lancés. Je comprends que c'est le début de saison, mais si tu m'avais dit que c'est 102 ou 120, je peux très bien comprendre. Mais moi, si je m'appelle Dave Roberts, je vais voir mon joueur, puis je lui demande, est-ce que tu penses que tu es encore capable? On pense aussi à ce qui va s'en venir durant la saison, tout ça. Mais pour moi, c'était une chance en or pour lui de passer à l'histoire, puis il aurait dû le laisser dans le match. Si en huitième, il a besoin de 40 lancers pour faire 3 retraits, ben ça marchera pas. Mais aussitôt qu'un coureur se débute, tu le débarques. Mais je pense qu'au stress d'objectif, tu l'aurais laissé là. Je sais pas si tu as vu la réaction de Kershaw. Je l'ai trouvé très, très bon. Il était très, très classe, mais je me disais, c'est-tu vraiment ce qu'il pensait? Il avait l'air d'un gars très honnête dans ce qu'il a dit, que oui, il faut penser à long terme, puis c'est un gars qui a été blessé. Mais j'ai été très déçu encore une fois de Dave Roberts. OK, Oakland, 3000 personnes hier, ça commence à ressembler aux expos? Pas surprenant, pas pareil, mal, là, pas mal. Parce que, regarde, avec la vente de feu qu'ils ont fait Matt Olson, Matt Chapman, après ça, ça parle de Las Vegas. Ils ont même acheté un terrain, je pense, à Las Vegas pour un stand. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, là. Mais moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est que je peux pas croire, mais que Oakland, les autorités d'Oakland vont laisser aller les Raiders, les A's, après avoir perdu les Raiders, après avoir perdu les Warriors. C'est incroyable, là. Tu vas me dire les Warriors sont à côté à San Francisco, c'est pas loin, c'est sûr que c'est dans la même région, il n'y a aucun problème. Mais les Raiders d'Oakland, c'était quand même historique. Puis là, ils vont perdre les A's, qui ont de l'histoire, les A's, là. C'est assez capoté pareil. Mais ça a toujours été une concession qui a eu de la misère à attirer tout le monde, à part évidemment dans les années qui étaient excellentes. Le stade, apparemment, que c'est un CQQ par peu près. Ben, on le voit, TV d'ailleurs, c'est CQQ par peu près. Là. Puis c'est pas une place, me semble. Incroyable. Très... Hein? C'est incroyable comment c'est vieux, désuet. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y a un gars qui était resté pris. Il y a une salle de bain dans le. Tout près du vestiaire, il y a un gars qui était resté pris là parce que la porte ne voulait plus ouvrir. Il y avait eu des. Sorte de problème. Puis, écoute, c'est un endroit, c'est un cimetière pour les frappeurs. Les partisans sont tellement loin de l'action. Il n'y a pas un stade dans le baseball majeur où il y a autant d'espace le long des lignes, des fausses balles. Fait que, tu sais, les gens sont loin de l'action. Puis, il faut être honnête sur une chose, c'est que je ne suis pas sûr que si tu construis un nouveau stade, que les gens vont vraiment, vraiment se présenter là-bas. T'sais, surtout, c'est encore une équipe à petit budget. Je pense que la ville se demande si ça vaut vraiment la peine de continuer puis d'essayer d'espérer un nouveau stade à 1 milliard pour un projet qu'on sait même pas si ça va fonctionner. Moi, je pense que dans un avenir très, très rapproché, ils s'en vont à Vegas. Vegas, ils sont prêts, comme tu dis, ils ont le terrain. Ils construisent des stades à coups de milliards, puis je pense que c'est là l'avenir pour les Aces d'Oakland. Effectivement. OK. Hey, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Le Wild du Minnesota, on parle beaucoup de Colorado, mais on parle rarement du Wild du Minnesota, mais dans l'Ouest, là, Ça va être une équipe à surveiller, surtout que la question de Marc-André Fleury. Moi, l'Avalanche du Colorado, Comper d'un but, c'est encore un point d'interrogation pareil. Puis moi, Calgary, Johnny Gaudreau est habitué de connaître des séries QQ, de ne pas être là en série. C'est un gars qui n'a pas une grosse réputation en série. Moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Wild du Minnesota, dans l'Ouest, ça va être une équipe à surveiller. Ben, je se rappelle pas qu'il y a eu une époque où ils ont eu de très, très bonnes équipes et ils n'étaient Ouais. jamais capables de passer Sont la première robustes, ronde. sont capables de jouer Là, au hockey, ouais, c'est. ben, ils sont complets, je trouve. Ouais. T'sais, je pense qu'après ça, avait le meilleur joueur haut la main, là, mais après ça, tu as beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Je pense à un gars comme Kevin Fiala qui a une saison fantastique. Puis beaucoup de joueurs, Mathieu Beauvais, qu'on avait repêché, qu'on a signé cette année, ils jouent très, très bien. Mais comme tu as dit, quand les séries arrivent, c'est du hockey très différent. Mais je pense que le Wild est quand même bien construit pour faire un bout de chemin. Sauf que, on a eu la réflexion dans l'association de l'Est par rapport aux divisions, mais dans l'Ouest aussi, il y aura des match-ups de première ronde qui vont être terriblement difficiles. Puis il y a des clubs, il y a des très, très bonnes équipes qui vont sortir. Je continue de croire que l'Avalanche est encore la meilleure équipe sur papier, même si on a des points d'interrogation devant le filet. Mais rappelle-toi, l'année passée, il menait 2-0 contre Vegas, puis tout avait basculé à partir de là. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais je pense que l'Avalanche, aucun doute, va partir favori. Je trouve que les Flames sont plus papier sablé, là, un club un petit peu plus dur à affronter. J'ai hâte de voir aussi comment ils vont se comporter. Johnny Mais Gaudreau en bien, bien, série bien n'aime pas malin, la celui qui. réputation, hein? C'est leur Oh non, joueur. non, pantoute, c'est un gars qui habituellement disparaît dans les matchs physiques, comme justement les matchs de série. Fait que je pense que c'est pas pour rien non plus que les Flames sont intéressés à regarder à Calgary, mais il devient agent libre. Je suis pas sûr qu'on va être prêt à lui verser 10, 11, 12 millions par année. S'il finit, tu sais, si on se fait sortir en première ronde, puis il y a deux passes en 6 matchs, ça va être quand même un pansement. Puis dans l'Est, la blessure de Frederick Anderson change tout. Oui. Les Panthers de la Floride, c'est une équipe à surveiller devant le filet, c'est un point d'interrogation. Tampa Bay, moi j'aurais tendance à les mettre favoris. Par contre, depuis le match des Étoiles, je pense que c'est une des pires équipes de la Ligue nationale. Et je pense que le temps d'avoir joué en saison, ça risque, la fatigue mentale risque de se faire sentir. Toronto, on ne sait pas. Donc, bien malin peut dire qu'il va sortir. Hein. Tu regardes ça, là? Oh, ça va être très difficile. Puis, tu sais, celui qui réussit à prédire les deux équipes qui vont aller en grande finale, c'est tout un devin parce qu'honnêtement, présentement, du portrait qu'on a, il n'y a pas beaucoup d'équipes que tu peux dire qui n'ont aucune chance de gagner la Coupe Stanley. Il y en a deux, trois que ça va être très, très mince, les chances. Mais, tu sais, je me dis même un club comme les Pingouins, si Tristan Jarry revient en santé, un club comme les Rangers avec Shesterkin qui connaît une bonne saison, puis un club assez complet. Alors, je vais dire que tu as beaucoup, beaucoup d'équipes intéressantes. Te parler des Panthers. Moi, je pense que la seule façon que les Panthers peuvent aller jusqu'au bout, c'est s'ils font confiance à Spencer Knight devant le filet. Je sais que Bobrovsky gagne une fortune, puis c'est supposé être ton gardien numéro un, mais il est pitoyable depuis un mois. Puis il faut absolument que tu y ailles avec le kit, puis avec le gardien qui te donne la meilleure chance de gagner. François, on s'en reparle bientôt. Notre ami François Merci. Paquette qui nous parlait de son commentaire sportif.